Ndikomanyanga. François Kimane, toujours de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à ce journal, l'édition de la mi-journée de ce 4 mai 2020. Donc voici d'abord la charpente. Le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse au Burundi. Cette journée a été célébrée ce lundi 4 mai et le ministre de la Communication a indiqué que le gouvernement du Burundi fait tout pour promouvoir la liberté de la presse au Burundi. C'est ce lundi qu'est prévue la fin de la distribution des cartes d'électeurs au niveau national et en commune urbaine de Mouha. Ceux qui viennent récupérer ces cartes demandent le prolongement de ce délai. C'est au moment où, jusqu'hier dimanche, ceux qui avaient déjà récupéré ces cartes étaient chiffrés à 65%. Et dans la province de Muyinga, la pénurie du sucre est toujours d'actualité. Là où cette denrée est disponible, s'achète entre 3 000 et 3 500 francs le kilo, vous l'entendrez dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Environ 60% de la population attendue avait retiré les cartes d'électeurs en province Mngaro jusqu'à midi de ce dimanche. Sur certains centres de distribution, la population ne vient pas massivement. Le président de la CEPI Mngaro conseille à la population de cette province de retirer ses cartes d'électeurs dans les délais fixés par la CENI pour ne pas rater la chance de participer aux élections prochaines. Les détails avec Laurent Dikourio. Selon le président de la CEPI en province Mouaro, Cassien Nyoweumosi, la population de cette province continue à récupérer les cartes d'électeurs. Sur certains centres de distribution, la population vient massivement pour retirer ses cartes, tandis que sur d'autres, les gens viennent un à un. Jusqu'à midi de ce dimanche, environ 60% de la population attendue dans cette province avait retiré les cartes d'électeurs. Il précise que chacun retire sa carte d'électeur là où il s'est fait inscrire. Certains élèves disent qu'ils étudient aujourd'hui sur des écoles éloignées des endroits où ils s'étaient enrôlés parce qu'ils ont été orientés. Aussi, certains pensionnés disent qu'ils s'étaient enregistrés là où ils prestaient dans le temps et sont pour le moment éloignés de ces endroits. Pour ces cas, le président de la CEPI en province Mouaro dit que la réponse qu'il leur donne est de s'arranger pour donner la procuration à une personne de confiance en lui donnant son identification complète pour qu'elle retire sa carte. Il précise qu'une personne ne peut donner cette procuration qu'à un seul individu pour éviter des tricheries. Et s'il arrive qu'une personne qui s'était fait inscrire ne se retrouve pas sur la liste, le président de la CEPI, Mouaro, dit que l'agent distributeur fait un rapport qui est acheminé à la CEPI. Cette commission fait ensuite la compilation de tous les rapports reçus et les transmet à la CENI qui va statuer sur de tels cas. Il conseille à la population de cette province de récupérer ses cartes d'électeurs dans les délais fixés par la CENI pour que s'il arrive qu'il y ait un problème, il y ait un temps suffisant pour transmettre le rapport à la CENI. Pour lui, ne pas prendre sa carte d'électeur équivaut à se priver du droit de participer au processus électoral. De moi, Laurent Dikourio, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Dikourio. La distribution des cartes d'électeurs s'est nettement améliorée par rapport aux autres jours. Là où nous avons passé ce lundi en commune urbaine de Mouha, certains responsables des centres de distribution de ces cartes disent que l'un des défis est que certaines personnes viennent retirer leurs cartes d'électeurs alors qu'ils sont inscrits dans d'autres bureaux de distribution de ces cartes d'électeurs. Ils demandent cependant à la CENI de prolonger le délai s'ils ne parviennent pas à distribuer la totalité de ces cartes. Dans la province de Gitega, le taux de retrait de la carte d'électeur est satisfaisant dans toutes les 11 communes, sauf dans la commune de Gitega, où jusque ce dimanche, le taux était de 64,24%. Le président de la CEPI Gitega dit que cela est dû au comportement des habitants de la ville de Gitega qui aiment faire les choses à la dernière minute, mais qu'ils ont demandé au chef de la zone urbaine de passer dans les quartiers pour sensibiliser. Ce président de la CEPI Gitega se dit rassuré qu'en ce dernier jour, la majorité aura retiré sa carte d'électeur dans la province Gitega. Il a été inscrit environ 445 000 électeurs. Courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministère de la Communication et des Médias appelle les professionnels des médias à exercer leur profession dans la liberté tout en respectant la loi. Dans son discours lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce lundi, le ministre Frédéric Nahimana a dit que le gouvernement burundais s'est engagé à respecter cette liberté qui constitue un pilier de la démocratie. Je vous propose de l'écouter dont les propos ont été recueillis par Moïse Misago. Je voudrais d'abord féliciter les journalistes et les professionnels des médias pour cette journée combien précieuse pour eux, pour la liberté de la presse. C'est une occasion pour eux pour se contrôler et faire un auto-examen pour le travail déjà fait s'ils respectent la liberté de la presse selon la loi. Concernant l'état des lieux de la liberté de la presse au Burundi, nous pouvons dire que la liberté de la presse au Burundi est garantie. En témoignent quelques signes dont on ne peut pas démontrer. Premièrement, nous pouvons citer d'abord les bonnes relations entre les institutions de la presse et les institutions de la République. Deuxièmement, nous avons créé déjà un fonds de promotion de la liberté de la presse. Troisièmement, nous avons mis en place une loi de la presse qui ne fait que respecter la loi de la presse. Nous avons déjà mis en place le code de conduite qui, à son article 1er, garantit la liberté de la presse pendant la période électorale. Nous avons déjà mis en place la carte de presse qui va protéger le journaliste pour ne pas être confondu par un autre individu. Dans cette période, d'aucuns disent que c'est une période difficile, mais pour moi et pour les journalistes, c'est un cadeau de présenter le professionnalisme qu'ils ont déjà présenté. Et parce que c'est une période qui va démontrer d'abord le professionnalisme des journalistes, qui va démontrer le sens d'équité pour les partis politiques, le sens d'égalité pour les partis politiques également, l'impartialité, et cela constitue l'un des piliers du journalisme professionnel. Et quand les journalistes vont faire cela, ils auront démontré qu'ils ont la maturité dans cette matière. Dans mon discours que j'avais introduit, j'avais dit qu'il y a des journalistes qui bafouent le droit suite à l'incitation des hommes politiques ou des hommes étrangers. Après que les institutions chargées de maintenir l'ordre ou bien les institutions chargées de faire respecter ou la promotion de la liberté de la presse pleine de mesures, ce sont ces mêmes gens qui commencent à crier haut et fort que au Burundi, il n'y a pas de liberté de la presse. Pourtant, nous avons déjà énuméré certains signes qui montrent qu'au Burundi, il y a la liberté de la presse. Et cette affaire des quatre journalistes est devant la justice. La première étape est déjà franchie. Je pense qu'il y aura la deuxième étape. Ils ont déjà interjeté l'appel. Je pense que la justice va faire son œuvre. Nous avons des exemples qui en témoignent. Je pense que d'ici peu de jours, vous allez découvrir que le Burundi fait partie des pays qui respectent la liberté de la presse, sans tenir compte des rapports qui ne cessent de ternir l'image du pays. Je pense que vous-même, quand vous êtes ici, vous voyez qu'il y a la liberté de la presse. C'est le seul pays au monde, le Burundi, où le président de la République répond aux questions publiques, sans même préparer. C'est ça la liberté de la presse, où chaque journaliste a le droit de poser la question n'importe quand, n'importe comment, aux institutions de la République. Est-ce que vous l'avez vu au monde, dans quel pays ? C'était le ministre de la Communication. La loi portant organisation de l'administration communale dispose que la commune est administrée par l'administrateur communal sous la supervision du conseil communal. Les membres du conseil communal, de même que l'administrateur communal, ont un mandat de 5 ans. Néanmoins, ces institutions communales peuvent écourter leur mandat en cas d'infraction grave ou d'émission volontaire comme contenu dans ce document. Les détails avec Eline Ben-Nivikid. Ce texte est récemment promulgué par le président de la République et dans sa deuxième disposition donne les prérogatives à l'administrateur communal d'administrer la commune sous le contrôle du conseil communal. De plus, il assure le pouvoir hiérarchique et direct sur le détachement de la police affectée dans sa commune. Toutefois, en cas de manquement grave de ses agents de sécurité, il adresse un rapport circonstancié aux responsables de ses services. L'administrateur communal, de même que les membres du conseil communal, ont un mandat de 5 ans qui peut être renouvelé une fois pour l'administrateur communal. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. De plus, le mandat de l'administrateur communal est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective, comme est contenu dans ce texte. Parmi ses missions, L'administrateur communal veille à ce que les décisions du conseil communal soient mises en exécution. L'administrateur communal ou membre du conseil communal peuvent perdre ses fonctions en cas de décès, démission volontaire, détournement d'un bien public ou en cas de prison allant de plus de 2 mois. Les membres du conseil communal sont élus au suffrage universel composé. Ils sont au nombre de 15 provenant de toutes les collines et composant la commune. Cette loi portant sur l'administration communale a été promulguée le 19 février de l'année en cours. Dans nos prochaines éditions, je vous parlerai du remplacement de ces responsables communaux et l'élection des élus collinaires. Merci à Eline Ibel qui était en direct au studio de la radio Isanganiro. Je vous le disais tout à l'heure, la distribution des cartes d'électeurs s'est nettement améliorée par rapport aux autres jours. Là où nous avons passé ce lundi en commune Mouha de la mairie de Bujumbura, certains responsables des centres de distribution de ces cartes disent que l'un des défis est que certaines personnes viennent retirer leurs cartes d'électeurs alors qu'ils sont inscrits ailleurs. Ils demandent à la CENI de prolonger le délai s'ils ne parviennent pas à distribuer la totalité de ces cartes. Notre confrère Armel Moutore a fait le tour du centre de distribution de ces cartes d'électeurs. Dans certains centres de distribution des cartes d'électeurs que nous avons visités ce lundi en commune Moura de la mairie de Bujumbura, nous avons constaté une nette augmentation du rythme de retrait de ces cartes, comme cela est confirmé par certains responsables de ces centres. Ils disent que les chiffres de ceux qui retirent leurs cartes s'évaluent à 50% ce dimanche. Auparavant, les gens sont venus ultérieurement, mais maintenant, aujourd'hui nous sommes sur le dernier jour. Je pense que beaucoup de gens doivent venir rendre leurs cartes aujourd'hui. Hier, nous avons distribué la moitié des cartes d'électeurs que nous avons. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons atteindre vers la fin des cartes que nous avons. Ils ajoutent que l'un des défis rencontrés lors de cette activité est qu'ils reçoivent des personnes qui viennent retirer leurs cartes d'électeurs là où ils ne se sont pas fait inscrire. Et les problèmes que nous avons rencontrés est qu'il y a beaucoup de gens qui ont inscrit à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, ils sont ici à Bujumbura. Ils nous demandent comment ils peuvent avoir leur carte d'électeur, mais nous les avons répondu qu'ils doivent retourner là où ils sont inscrits. Ils demandent que si le délai accordé par la Commission électorale nationale indépendante CENI expire avant la distribution totale de ces cartes d'électeurs, que celle-ci prolonge ce délai pour permettre à tout le monde d'être servi. Cap sur le nord du pays pour parler commerce. La pénurie de sucre reste d'actualité en province Muyinga. Et moi, après l'annonce par le gouverneur du chronogramme de vente de ce produit, si le sucre est disponible, les commerçants désignés pour en distribuer n'en servent que pendant une trentaine de minutes. Les après-midi surtout, les spéculateurs en commercialisant dans les quartiers à raison de 3 500 francs le kilo. Des détails avec Dieudonné Nzeimana. Sur un chronogramme affiché au bureau du gouverneur de la province Muyinga, 4 commerçants doivent assurer la distribution du sucre au détail en ville de Muyinga. Les jours fixés pour la distribution sont mardi, mercredi et dimanche. Les grossistes auprès de la société sucrée de Mosso Sesumo ont aussi le monopole de détail. Il y a une semaine, certains de ces commerçants annoncent que les stocks sont vides. Là où l'on continuait le commerce au détail, l'on signale que si le jour annoncé est dimanche, l'heure de distribution est à partir de 15h. Les acheteurs se bousculent devant les magasins et la vente ne se fait que pendant une vingtaine de minutes. Certains des consommateurs dénoncent un relâchement de l'autorité dans le suivi de la commercialisation du sucre. Des vendeurs dans les quartiers s'approvisionneraient auprès de ces grossistes, d'où le sucre est vendu à raison de 3 500 francs le kilo dans les quartiers. Plus de 40 tonnes destinées à la province Muyinga seraient en partie détournées vers d'autres destinations d'après les acheteurs. Enquête des éclaircissements à ce sujet, nous avons croisé au bureau de la province Muyinga le conseil économique du gouverneur qui nous a juste signifié que les organes habilités sont à l'œuvre pour le cadrage du circuit du sucre. Muyinga, Dieudonné Nzeimana, Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana. Le championnat de volleyball pour le club et membre de l'association amateur de volleyball de Bujumbura a été clôturé ce week-end. Côté masculin, c'est la formation policière de Rukinzo qui a été sacrée championne après avoir éliminé Gacosmos sur un score de 3-7-1. Côté féminin, c'est l'équipe militaire de Muzinga qui a remporté la coupe en battant les As 3-7-0. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de karaté doit suivre les formations d'arbitrage après avoir décroché une ceinture verte jusqu'à la ceinture noire. C'est l'explication du président chargé de la commission d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté, Réverien Banzendore, fait savoir que ces formations sont organisées en deux catégories selon les lois internationales régissant le sport de karaté. Les détails avec Marie-Claire Kazenet. Un arbitre de karaté doit d'abord être karatéka détenteur d'une ceinture noire qui a suivi les formations d'arbitrage de karaté. C'est l'explication de Réverien Banzendole, président de la commission d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de karaté. Un arbitre de karaté, c'est celui qui dirige les compétitions, c'est celui qui met en application les règlements de karaté, que ce soit au niveau national, au niveau continental ou régional et au niveau international aussi. Pour devenir un arbitre de karaté, il faut d'abord être karatéka parce que au karaté, tous les arbitres de karaté sont des karatékas. Réverien Banzendore fait savoir que ces formations sont organisées selon les lois internationales régissant ce sport. Les formations sont organisées sur les règlements de compétition de la Fédération mondiale de karaté et ces formations sont conditionnées par le niveau de grade des karatékas parce que, par exemple, au niveau international, au niveau continental, au niveau mondial, pour suivre les formations, il faut qu'on soit d'abord karatéka ceinture noire, deuxième dan. Au Burundi, nous acceptons aussi que celui qui a la ceinture verte peut devenir arbitre. C'est-à-dire que celui qui a la ceinture verte peut suivre les formations d'arbitrage de karaté. Pour atteindre un niveau international pour un arbitre de karaté, celui-ci doit d'abord être exemplaire pour arbitrer les compétitions locales comme Réverien Banzendore l'indique. Au karaté aussi, il y a des arbitres internationaux. Les formations sont organisées sur différents niveaux, au niveau national, au niveau régional, et au niveau continental et au niveau mondial aussi. Au karaté aussi, on peut devenir arbitre international ou arbitre mondial. Et pour atteindre ce niveau, on doit d'abord passer des examens de certification au niveau continental et aussi il y a des examens au niveau mondial, des examens qui donnent accès à être juge ou arbitre international. Dans la prochaine chronique sportive, Réverien Banzendole expliquera les lois sur lesquelles un arbitre se réfère pour arbitrer un match de karaté, ainsi que les sanctions infligées aux arbitres qui manifestent des comportements indignes. Et c'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndzikubanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.